trouver sur le net. L'aide humanitaire est-elle efficace ? Un lundi soir d'automne, à la sortie du travail, Louis remonte le boulevard pour rentrer chez lui. Mais il aperçoit soudain une jeune fille à gilet bleu qui se rapproche dangereusement. Il tente de l'éviter, mais c'est déjà trop tard. Monsieur, bonjour, un petit don pour les enfants morts ? Le mouvement humanitaire international, dont cette jeune fille est une manifestation, a pris son essor à la fin des années 60, au Biafra, une enclave sécessionniste assiégée par l'armée du Nigeria. La Croix-Rouge, Oxfam et d'autres ONG ont organisé pendant plus d'un an un pont aérien destiné à nourrir les populations affamées. Cette opération, dont l'efficacité a été largement critiquée, a tout de même permis au mouvement humanitaire d'asseoir une certaine légitimité. En 1968, il y avait 180 ONG accréditées auprès des Nations Unies. En 1992, on en comptait 724. Aujourd'hui, il y en a 3735. Mais il arrive quelquefois que l'aide humanitaire fasse plus de mal que de bien. Ainsi, au Soudan, à la fin des années 90, des ONG ont mis en place un programme de rachat d'esclaves. Le but était d'abolir l'esclavage au Soudan, mais l'opération aurait surtout incité les marchands d'esclaves à en kidnapper encore plus. De la même façon, dans les années 80 et 90, plusieurs chefs de guerre africains ont provoqué volontairement des famines destinées à attirer les ONG. Ils ont alors détourné l'aide alimentaire pour nourrir leurs propres armées et continuer à faire la guerre. Plus généralement, il arrive que les organisations humanitaires se ruent en ordre dispersé vers les zones de catastrophe sans chercher à planifier leurs efforts. Ce manque de coordination se paye parfois assez cher. Par exemple, l'afflux inutile de riz en Indonésie à la suite du tsunami a beaucoup nui aux producteurs locaux, car les sinistrés préféraient évidemment le riz gratuit au riz qui coûte de l'argent. Résultat, une crise agricole en plus de la crise humanitaire. Reste que l'action humanitaire, si elle n'est pas toujours efficace, est souvent le seul recours des populations en détresse. C'est trop important ce que vous avez fait. Monsieur, bonjour, si je vous dis sida ! Obligé de faire une petite remarque, évidemment, sur ce qu'on vient d'entendre, qui est très cynique, hein, mais ouais, on est dans un monde cynique. Attention de ne pas devenir nous-mêmes, soi-même cynique. Parce que évidemment, l'aide humanitaire, on est bien obligé de se poser des questions quand on va là-bas avec les enjeux et une politique et une économie de là-bas. Vous voyez, suffit pas simplement de tourner les choses vers son nombril en disant je suis humanitaire, je suis un humanitaire et je fais le bien dans le monde. Voilà, c'était juste une petite capsule vidéo pour ramener un peu les choses. Ouais, on est dans un monde noir, quoi. Voilà. Mais tout de suite, là, on va entendre la suite. Micro ouvert. C'est parti. C'est parti. Nicolas, je donne ton nom de famille ou tu préfères pas ? Nicolas Spineux, c'est comme ça qu'on dit. Je te remercie beaucoup d'être là. On se fait une rencontre. Médecins sans frontières, parce que tu y travailles et parce que j'ai assisté à une matinée de recrutement où tu étais présent et t'expliquais un peu avec un grand sourire et quelques petites anecdotes, mais bon voilà, on retenait ta présence, enfin t'étais une présence là pour expliquer un peu à une salle remplie. Qu'est-ce que c'est un peu MSF quand on y travaille ? Je te laisse un peu te présenter. Alors voilà, Nicolas Spineux, moi ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour MSF. J'ai enchaîné 4 missions. J'ai d'abord commencé par le Congo pendant une dizaine de mois. Ensuite, je suis parti au Burundi pendant 6 mois. Retour ensuite au Congo pendant cette fois-là 13 mois. Et là, je reviens tout juste d'une mission en Afghanistan qui a duré 7 mois. Donc voilà un peu le topo. Mon travail, c'est logisticien. Donc qu'est-ce que ça veut dire logisticien ? On a deux piliers. D'une part, tout ce qui est technique. Donc là, on parle de IT, d'énergie, de transport. Quand tu dis IT ? IT, c'est tout ce qui est technologie de l'information. Donc c'est absolument pas English. Tu fais bien de m'interrompre. Donc c'est tout ce qui est ordinateur, réseau, communication, les radios. Voilà, tout ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a bien sûr tout ce qui est gestion de la chaîne de froid pour les vaccins. On a tout ce qui est construction, tout ce qui est ventilation, air conditionné, parce qu'on travaille dans des endroits qui sont souvent très chauds, donc on a besoin de tout ça. Et voilà, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est tactique. Et donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on va organiser nos activités. Comment est-ce qu'on va organiser la maintenance d'un hôpital de trauma. Comment est-ce qu'on va répondre à une campagne de vaccination de masse. Comment est-ce qu'on gère un camp de réfugiés. Donc ça, c'est plutôt le comment on va aligner toutes les différentes familles techniques autour d'une thématique. Donc là, c'est du très concret, là. Hein. Mais j'oubliais aussi de dire, Nicolas, que toi, en fait, ce qui est particulier quand tu te présentes, c'est que tu dis, t'avais fait des études en quoi ? Alors, j'ai commencé par faire des études de commerce, et puis j'ai fait un master en gestion des infrastructures, et puis j'ai refait un master en cours du soir en gestion, donc j'étais vraiment fort à l'époque orienté business, faire un max de pognon et vivre le grand rêve un peu à l'américaine. Donc voilà, suite à ça, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une boîte ici à Bruxelles. J'ai d'abord commencé comme stagiaire et puis voilà, on m'a offert un super job, une belle rémunération, une belle voiture. Ah oui, t'avais déjà commencé à bosser 2 ans là-dedans alors. Ouais. Et alors le jour où, ça je me rappellerai toute ma vie, le jour où mon manager, il était très bien, j'ai rien à lui reprocher en plus, est venu me proposer ce super job dont je rêvais à mon avis depuis des années. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dit non. Tu rêvais quoi ? Tu rêvais de la thune, de l'argent, l'argent. Enfin, c'est ça ? C'est vraiment cette idée ? Clairement, oui. Clairement. Et donc, j'ai dit non. Et puis, voilà, donc j'ai tout quitté. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Inexplicable. Mais après, bon, ça c'est pas hier que ça s'est passé. Après coup, là, il y a plusieurs années maintenant que ça s'est passé. Ouais. Ça, après coup. Maintenant, oui, ça fait 6 ans que ça s'est passé. Après coup, je dirais que j'avais besoin d'un travail qui avait plus de sens pour moi. Et j'arrive à l'analyser maintenant parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes dans ma situation qui recherchent un boulot avec vraiment du sens, pas faire du fric pour faire du fric. Et donc voilà, moi, chaque fois maintenant que je me lève le matin, bah, je suis super content de ce que je fais, j'ai le sourire. Donc voilà, ça n'a pas de prix. Ok, mais quand tu as travaillé 2 années, là, c'était sans sens, c'était du fric pour du fric. Mais je veux dire, il y a eu plein, toutes tes années d'études et tout ça, je veux dire, ça devait aussi être du business pour du business, la rentabilité, la gestion, non ? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que le déclic se fasse, quoi ? C'est d'être dans le concret 2 années dans un travail qui tu te rends compte qu'il n'y a aucun sens, et c'est ça le moteur alors ? Oui, c'est clairement la question du sens dans le travail, où au final, le système dans lequel je travaillais ne représentait plus grand-chose pour moi. On avait énormément de paperasse à faire qui au final ne menait à rien. On avait des systèmes de qualité, c'était des termes qu'on utilise beaucoup dans la gestion, dans le management. Et au final, on se rend compte que c'est faire des indicateurs, c'est faire du papier pour faire du papier, et qu'au final la qualité sur le terrain s'améliore pas du tout. Et donc maintenant, moi, je préfère travailler pour une qualité qui sur laquelle je peux directement avoir un impact, et qu'on peut voir le résultat de notre travail directement sur le terrain, plutôt que de passer du temps à essayer de calculer des choses sans vraiment améliorer le fond. Et comment s'est fait le lien alors MSF? Et donc après ce coup-là, je suis parti voyager en Australie, en Nouvelle-Zélande, comme beaucoup de personnes font, donc un an et demi de backpacking, où là, bah, on voit autre chose, même si ça reste une culture, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ça reste une culture occidentale, mais il n'empêche qu'on rencontre pas mal de gens qui sont aussi dans une phase de réflexion. Et donc, on se rend compte qu'on n'est pas seul, que l'acte qu'on a posé en disant non à un travail n'est pas débile. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul, parce qu'on est une époque assez bizarre pour ça, dans le sens que c'est pas toi seulement que ça arrive, c'est-à-dire se remettre en question, changer carrément d'option, c'est un peu dans l'air du temps aussi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que tu voyages en Australie et que tu rencontres pour finir des gens aussi qui se posent plein de questions sur le sens qu'a le travail, par exemple. Exactement. Et donc, bon, si tu me demandes, si tu me poses cette question-là, je pense qu'il n'y a toujours pas assez de gens qui se posent la question. Donc là, voilà, effectivement, on rencontre beaucoup de personnes, mais c'est dans un petit milieu, le petit milieu des backpackers. Ce n'est pas représentatif du monde en général. Mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui se posent les mêmes questions. Ça va grandir, ça va continuer. Donc voilà, j'encourage tous ceux qui réfléchissent à vraiment faire le pas. Parce qu'une fois qu'on a fait le pas, je pense que là, bah, voilà, le monde est à notre disposition et rien n'est impossible après. Oui, enfin, on va repartir vers le MSF, hein. Parce qu'après, on pourrait partir dans ce que tu viens de dire sur ailleurs. Mais bon, soit, non, je m'empêche de... On démarre sur MSF. Comment as-tu entendu parler de MSF ? Alors voilà, donc après mes deux années de backpacking, j'ai eu le virus du voyage et donc j'ai commencé à chercher des boîtes qui pouvaient me faire voyager avec un sens, qui pouvaient donner un sens à mon travail. Et donc du coup là j'ai un peu fait des recherches, je suis tombé sur MSF par hasard, pour être honnête, c'est pas le rêve. On entend beaucoup des médecins qui ont toujours rêvé de partir avec MSF. Moi c'était pas mon cas. Je suis tombé là-dessus. Bah, t'es pas médecin non plus. Hein. Ouais. C'est peut-être pour ça. Ouais. Donc moi, c'est pas du tout mon cas. Et donc voilà, je suis tombé là-dessus par hasard. J'ai envoyé une dizaine de lettres à différentes organisations. MSF ont été les premiers à me répondre. Tout d'abord, je ne savais pas qui recherchait des gens avec un profil plus technique. Donc voilà, j'étais intéressé évidemment. Et donc, au fur et à mesure que j'ai commencé à me renseigner, bah, je suis tombé littéralement amoureux de cette organisation. Ouais. Et puis ça a démarré en quelques lignes. MSF, l'origine, ça a bien une quarantaine d'années, 71, les années 71. Il paraît que c'est indépendant, c'est-à-dire que c'est des privés, des toubibs qui se mettent ensemble, entre autres Kouchner, là, qui fait parler vachement de lui. Lui, il est très médiatique. Et tu sais pourquoi il y a un clash entre MSF et Médecins du Monde ? Alors, il y a... Bon, ça, c'est l'histoire. Hein. Oui, mais c'est important. C'est très bien. Je vois que tu as fait tes devoirs. Donc, effectivement, donc, MSF est créé en 71 suite à la crise du Biafra. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est des journalistes et des médecins qui s'associent pour pouvoir non seulement apporter une aide médicale, mais en plus pouvoir témoigner de ce qui se passe sur le terrain, toujours dans le but d'aider les populations les plus démunies. Parce que parfois, notamment au CICR, donc CICR c'est le comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui eux aussi apportent une aide médicale, mais eux n'ont pas le droit de témoigner de ce qu'ils voient sur le terrain. Ça, c'est, eux répondront beaucoup mieux que je pourrais le faire. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, nous, dans certaines conditions, on doit témoigner de ce qu'on voit, quitte à se faire expulser des pays. Et donc c'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment au Biafra, notamment... Il n'y a pas longtemps non plus, hein, une médecin par rapport à des enfants... Ah zut, je n'ai pas pris mes références. Tu vois pas de quoi je parle ? Il y a 15 jours de ça, 3 semaines... Non, là je ne vois pas de quoi tu parles, désolé. Une femme médecin qui soignait, je ne sais plus dans quel pays, des enfants... et qui s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de la part de la politique à prendre en charge vraiment ce soin des enfants. Et je ne sais pas combien elle a souligné de morts d'enfants. Tu vois, je ne vais pas t'inventer un chiffre. Et qu'elle a alerté... Non, tu ne vois pas. Non, je ne vois pas, mais ça ne m'étonne pas. Ça arrive très souvent. Elle s'est fait virer, quoi. En gros, rentrez chez vous, Médecins Sans Frontières. Dégagez. Ça arrive souvent, oui. Donc là, c'est toujours délicat parce que si on part, ça veut dire que sur place, il n'y a plus personne qui va pouvoir apporter de l'aide médicale ou en tout cas très peu. Si on part, là, je n'ai pas compris. Donc si par exemple, on décide de parler, de témoigner de ce qu'on voit, on va parfois se faire éjecter du pays. Donc ça veut dire que tous nos projets, tous nos patients vont être laissés parfois à eux-mêmes. Et donc c'est toujours des décisions très difficiles à prendre. Oui, de parler, de dire ce qui se passe. Exactement, oui. On vous pousse, j'imagine Médecins Sans Frontières... a pas trop non plus envie de gens qui viennent remuer les problèmes, quoi, non ? C'est un autre travail, quoi. C'est-à-dire que j'imagine s'il y a un médecin qui voit qu'il y a des choses qui se passent pas correctement dans le pays, dans une certaine politique, dans l'argent, j'en sais rien, moi. Tu vois qu'il y a, il faut plutôt des médecins qui soignent plutôt que des emmerdeurs qui viennent souligner les problèmes, quoi, non ? Mais alors, c'est exactement pour ça que Médecins Sans Frontières est né. Donc, c'est une association qui a réuni journalistes et médecins pour pouvoir vraiment combler, gérer les deux pans de notre action. Oui, il y a encore des journalistes sans frontières, alors. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, on a un gros volet de notre action qui est dans le témoignage. Donc voilà, on parle beaucoup de la crise des réfugiés en Europe. Donc voilà, là, c'est une action qu'on mène, où on est obligé de témoigner de la situation sur laquelle on voit, sur laquelle on assiste tous les jours. Et pour moi, ça, c'est clé. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ces histoires de migrants. Enfin, c'est quoi ta vision là-dessus? Alors moi, j'ai jamais travaillé en Europe, parce que pour le moment, on a ouvert des projets, notamment en Grèce, en Italie, on a même des projets en Belgique. La première réaction que j'ai, moi, c'est que ça me scandalise qu'on doit ouvrir des projets humanitaires en Europe. Ça me pose beaucoup de questions. Mais je n'y ai jamais travaillé. J'ai jamais été sur l'Aquarius, le fameux bateau qui a été bloqué pas mal de temps en Méditerranée. J'ai jamais eu de mission là-bas. Qui est carrément condamné, là, maintenant. Ok, oui. Par contre, j'ai énormément travaillé. Donc voilà, au Congo, au Burundi, en Afghanistan, on travaille énormément avec les réfugiés. Il faut savoir que à l'intérieur des pays même, on parle de déplacer, et donc c'est la première destination, c'est d'abord de bouger tout près de chez soi, le plus près possible de chez soi, pour se mettre en sécurité. Parfois on assiste même à, les gens partent pendant quelques mois, et puis essayent de revenir, parfois même sur le temps d'une journée, ils se déplacent, ils essayent de venir retravailler leur culture, et puis après ils repartent pendant la nuit à l'abri. Donc c'est vraiment très large. Moi je pense que les quelques migrants qu'on accueille ici, je pense que c'est vraiment rien du tout par rapport à l'étendue de gens qui sont forcés de se déplacer dans le monde et dans tous les pays. Je suis contente de l'entendre dire par quelqu'un qui est du terrain, quoi. C'est-à-dire que les réfugiés, les migrants, tous ces gens qui doivent partir du pays, la majorité se déplace à côté du conflit, parce qu'il n'y a pas les moyens de partir à l'autre bout. C'est bien le cas, hein. Tout à fait le cas, oui. Et c'est vraiment, il faut comparer ce qui est comparable, donc les chiffres sont vraiment, ce qu'on accueille ici en Europe, c'est rien du tout par rapport aux déplacés qu'il peut y avoir au Liban, par exemple, ou au Congo, en Ouganda, en Tanzanie. Alors t'expliques ça comment, toi, avec ta vision, ta réflexion le terrain sur lequel tu es, t'expliques ça comment, qu'il y ait tellement de problèmes, tellement de discussions dans les pays, là, pour le moment, sur ces migrants. C'est quoi le problème, en fait? T'as une vision par rapport à ça? Tu peux un peu nous l'expliquer, ou c'est trop complexe pour toi? Oui, c'est vraiment évidemment assez complexe. J'ai du mal à établir une vision claire, mais j'ai énormément de questions, en tout cas. Je me pose toujours énormément de questions. Oui. Mais voilà, une des questions, c'est comment ça se fait que des populations défavorisées, parce que, je sais pas moi, par exemple au Congo, ils accueillent énormément de réfugiés du Burundi. Mais comment ça se fait que ces gens-là sont capables... pays d'à côté. Qui est juste le pays d'à côté, oui. Comment ça se fait que les gens qui n'ont déjà pas grand-chose à la base arrivent toujours à accueillir de nouveaux réfugiés, alors que nous, on n'est pas capable de le faire? Ça, c'est une question que je me pose. Là. Et t'as pas la réponse. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais... C'est comme s'il y avait une politique vraiment avec les médias qui se donnent la main pour créer un problème, alors qu'à la base, il n'y en a pas. Enfin, non, tu vois, t'as pas envie d'aller dans cette direction. Non, mais voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ouais, il faut faire très attention avec... Avec les chiffres qu'on entend, Trump qui accuse tous les migrants qui viennent du Honduras, qui sont plein de terroristes. Il faut faire très attention avec tout ce qu'on dit. Et donc voilà, moi j'ai jamais eu de problème avec aucun réfugié, pourtant Dieu sait si j'en ai vu beaucoup. Donc voilà, vraiment faire attention et ne pas céder à la panique ou à la peur. Ça, c'est vraiment le message principal que j'ai envie de passer. Et MSF est indépendant, c'est ça? C'est ça qu'on dit, hein? Mais c'est dingue. S'il est tellement indépendant, moi je comprends pas pourquoi alors on l'empêche de travailler avec son Aquarius, par exemple. Alors oui, quoi qu'il joue là. Alors oui, Juste pour expliquer un peu ce que c'est l'indépendance, comment on l'entend, c'est que MSF est fondé à, maintenant je crois qu'on arrive au 97% de dons privés, donc c'est toi, c'est moi, c'est ma grand-mère, dans tous les pays du monde, ce sont des gens qui donnent un peu de leur argent. Je pense que les derniers chiffres, on est à 3 millions de donateurs, et donc on refuse la plupart des dons publics. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir avoir l'autonomie de décider où on veut travailler, pour qui on veut travailler et quand on veut agir. Mais ça, je comprends tout à fait. Mais la question, c'est alors pourquoi on emmerde l'Aquarius ? Enfin, tu vois, si vous êtes tellement indépendant et... Oui, et alors là, malheureusement, parfois, on se heurte aux lois qui sont dictées par les politiques internationales, régionales, nationales. Donc voilà, on ne peut pas travailler dans l'illégalité. Et je pense qu'à l'époque, ça c'est quelque chose qui a changé, à l'époque où les États étaient plus faibles, notamment en Afrique, donc au tout début... Mais voilà, on pouvait. L'appareil législatif des États n'était pas à ce point développé. Et donc, on avait un peu plus facile de travailler. Maintenant, on a affaire à des États qui sont parfaitement au courant et qui savent faire appliquer toutes les lois du niveau régional au niveau international. Donc, on ne peut malheureusement pas travailler dans l'illégalité. Et donc, voilà, c'est parfois difficile de concilier les deux. Oui, c'est comme s'ils changeaient les règles du jeu en cours de route. Et du coup, vous retrouvez à. À devoir faire avec ça, avec cette réalité-là, quoi. Il suffit pas simplement d'être indépendant, c'est déjà une chose. Mais après, enfin voilà, vous êtes bien. C'est quand on dit indépendant, toi, c'est rigolo parce que oui, on est indépendant, mais on est bien inscrit dans un monde avec des lois, avec des gouvernements, avec une politique. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, parfois on est toujours présent, mais on nous bloque sur, je sais pas moi, l'approvisionnement en médicaments et en matériel. On nous bloque parfois sur les visas. Donc voilà, il y a plein de moyens de nous empêcher de travailler. Ouais. Et quoi, les Médecins Sans Frontières travaillent essentiellement, parce que j'ai vu que c'était pas l'Amérique du Sud, où vous travaillez pas du tout en Amérique tout court en fait. Alors si, on a des projets notamment au Venezuela. Au Honduras, je sais bien qu'on a des projets au Brésil. Donc si on travaille en Amérique du Sud, en tout je crois qu'on travaille dans 73 pays différents, partout dans le monde. Et est-ce que tu peux un peu raconter alors ton expérience au Congo ? C'est ça, hein, t'as une expérience en Congo ? Congo, Burundi et Afghanistan. Et moi ce que je me souviens d'une anecdote que tu expliquais en Afghanistan, donc... On est bien d'accord que quand une crise se passe dans un pays, on appelle MSF, caricature en gros, hein, on appelle MSF, un camp se construit grâce à MSF pour soigner les gens, et tatati et tatata. Et cet espace-là devient neutre, c'est-à-dire que par exemple s'il y a une guerre en jeu... on ne peut pas toucher cet endroit-là, ça reste un endroit... c'est vrai ça ? Donc, oui, pour être un peu plus précis, dans des pays comme le Congo ou l'Afghanistan, c'est des pays qui connaissent des crises majeures depuis des années, des années, des années, des années. Et donc au départ, c'est vrai qu'on a une aide médicale d'urgence, mais... Quand tu dis crise, ça veut dire quoi exactement quand tu parles crise ? Parce que quoi ? Ça veut dire guerre ? Ça veut dire quoi ? C'est ça, donc guerre, conflit armé, épidémie, catastrophe naturelle, famine... tout ce genre de crise là. Et donc voilà, au Congo, en Afghanistan, en Centrafrique, au Sud-Soudan, c'est tous des pays qui connaissent tous ces problèmes là depuis des années. Et donc MSF a une présence sur place depuis très longtemps, et mon avis personnel, on y restera encore pas mal d'années. Et donc c'est là qu'il y a eu un petit changement dans la façon de travailler d'MSF, où on a toujours des équipes d'urgence qui sont prêtes à être déployées depuis Bruxelles ou depuis les capitales de tous ces gros pays-là. Mais parallèlement à ça, on ouvre des projets qui sont un peu plus long terme. Et donc, notamment en Afghanistan, on est en train de reconstruire un hôpital qui sera chargé de soigner tout ce qui est trauma de guerre. Et donc, on a un plan à 10 ans là-bas. On est déjà là depuis les années 70, donc voilà. Je me souviens, Thomas, question de départ, donc ces endroits sont neutres, on ne peut pas y toucher, enfin, si jamais quand je dis on ne peut pas y toucher, ça veut dire que par exemple, dans le cas d'une guerre, on sait que cet endroit, non, voilà, il est neutre, quoi. Oui, alors, c'est En effet, et donc là, c'est la théorie, c'est un endroit qui doit rester neutre. Donc on a trois principes qui sont la dépendance, on en a déjà parlé, la neutralité, qui veut dire que l'action d'MSF, on ne prend pas part au conflit armé, jamais. Et alors le dernier principe, c'est l'impartialité, ce qui veut dire que si on doit choisir notre action, c'est en fonction des patients, peu importe la couleur, la race, l'origine. Donc ça, c'est les trois principes auxquels on est très attaché. Ce sont des principes qui sont régis par le droit international. Malheureusement, ça reste souvent de la théorie et nous, on se bat beaucoup pour le faire appliquer sur le terrain. Et c'est pas si facile que ça. Explique-nous, parce que là, ça reste un concept, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Parce que ça reste de la théorie, quoi. Des exemples concrets pour qu'on comprenne que c'est difficile. Je vais devoir réfléchir un peu pour te donner un bon exemple, parce que de fait, c'est vrai que c'est des concepts qui sont souvent durs à mettre en pratique. Dans l'essentiel, c'est quand ces campements de MSF, on leur fout pas la paix, quoi. Dire quand il y a des gens doivent être soignés, quand il faut prendre en compte la misère humaine entre ou la difficulté humaine plutôt, on fout pas la paix à MSF. Oui, non, ça c'est clair. On a souvent des problèmes. On cherche, évidemment, comme on amène des moyens, des ressources, que ce soit au niveau du matériel, au niveau financier et au niveau humain, on amène énormément de ressources. Donc fatalement, les groupes armés vont, ou politiques, vont toujours essayer de s'accaparer l'aide humanitaire. Et donc ça, c'est quelque chose, on doit être très vigilant, parce que fatalement, si on va aider quelqu'un, une partie... De la population, on va peut-être influencer le pouvoir politique, l'économie, et donc il faut rester toujours très très vigilant pour ne pas dévier cette aide humanitaire. Et donc là, je pense que c'est notre travail à nous d'être le garant de cette neutralité, de cette impartialité et de cette indépendance. Par exemple, dans un camp, moi j'aime bien des fois être dans le concret, et c'est ça que j'aimais bien aussi de te rencontrer, parce que toi t'es dans le concret. Pour être clair, quand par exemple il y a une guerre, moi j'invente hein, des idées là, parce que j'y suis pas, il y a une guerre, il y a des blessés de part et d'autre des deux camps, vous soignez de part et d'autre les deux camps ? Alors oui, ça c'est donc de nouveau, ça c'est la base de l'action. Je peux peut-être te donner un exemple un peu plus concret. Voilà, en Afghanistan, on a décidé de, je vais te parler justement du centre de trauma qu'on est en train de reconstruire. Il s'est fait bombarder en 2015 par un des groupes armés en présence en Afghanistan. Donc on a décidé de reconstruire cet hôpital-là. C'est des budgets énormes. Fatalement, on ne peut pas construire le même hôpital des deux côtés de la ligne de front, pour des raisons claires de finances, de ressources humaines. Quand tu parles de la ligne de front, ça veut dire des deux camps, quoi. Exactement. Des deux camps d'une guerre, par exemple, c'est ça, hein ? Exactement, oui. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit des centres de référence. Donc c'est des centres où les blessés vont être stabilisés des deux côtés de la ligne de front. Et alors après, on s'occupe du référencement vers l'hôpital général. Donc nous, on garantit alors aux blessés qu'ils peuvent venir se faire soigner. Malheureusement, ça arrive souvent que devant les portes de l'hôpital, bah, une fois que le patient sort... Tant qu'il est patient, il est protégé par le droit international. Donc nous, on arrive à défendre ça et donc à entre guillemets, protéger le patient parce qu'il est blessé. À partir du moment où il sort de l'hôpital, il est guéri, donc il n'est plus protégé par le droit. Donc nous, on a très difficile de continuer à le protéger. Et donc voilà, parfois, on assiste à des rafles juste devant nos yeux. Et là, on est très impuissant. Et donc ça, c'est parfois des situations très, très, très difficiles pour nous. Oui, c'est... Oui, je vois... J'essaye de voir le truc. J'ai perdu mon fil, moi. Oui, il y a ce que vous pouvez faire dans votre cadre, les lois, etc. Mais il y avait aussi une anecdote que tu parlais lors de la matinée de recrutement. Tu parlais d'un... De l'idée de bandes Une bande de 30 personnes afghans qui avaient trouvé l'idée de faire une réunion dans la structure MSF là-bas, en Afghanistan. Comme ça, ils étaient sûrs qu'il n'y aurait pas une bombe ou des attaques. c'est ça aussi. Oui, de nouveau, c'est un très, très bel exemple d'un problème qu'on peut rencontrer avec la neutralité. Donc les structures de santé sont protégées. Malheureusement, tout le monde le sait, ça. Et donc, ça a déjà arrivé où nos structures de santé ont été envahies par des groupes armés pour faire leur réunion. Et donc, là, de nouveau, ça fait partie de mon travail et du travail de l'équipe d'MSF de dire, écoutez, si vous faites ça, ça ne devient plus une structure de santé, on ne peut plus rien pour vous, tant pis. Ça s'est réglé comment ? Donc, au final, bah, voilà, on a été appelés, je me rappelle très bien, on a été appelés... fin de journée, on est arrivé là-bas, mais de nouveau, on a réexpliqué nos principes et au final, bah, ils ont assez bien compris. On a réussi à les dégager et bon, c'est vraiment une lutte sans fin. Il faut toujours réexpliquer les principes, réaffirmer ce pourquoi on est là. Mais à la fin, en général, ça se termine bien. Pas mal d'histoires où ça s'est mal fini, mais cette fois-là, ça s'est super bien terminé. Ils ont compris et à l'heure actuelle, j'ai eu des nouvelles hier. Bien respecté, donc ça reste une structure de santé à part entière. Et un mauvais exemple où ça se termine mal, par exemple, tu as l'air de dire qu'il y a des histoires où ça se termine mal. Mais là, on peut parler de Kunduz en 2015 où l'hôpital a été bombardé. Voilà, visiblement, c'est une erreur de l'armée américaine. MSF a réclamé une enquête indépendante. On n'a jamais obtenu ça. J'ai dit pourquoi, mais voilà, Nicolas me fait un grand sourire. Oui, on ne sait toujours pas pourquoi, visiblement c'est une erreur humaine, c'est en tout cas ce que dit le rapport. Donc voilà, c'est un exemple où on a dû arrêter nos activités et on y est retourné pour reconstruire un hôpital sous la promesse que chaque groupe armé comprenait et allait respecter nos engagements et ce pourquoi on était là. Voilà. Et toi, Nicolas, alors quand tu bosses là-bas, tu es parti évidemment pour d'office, pas en dessous de 6 mois, hein, c'est 6 mois minimum. Alors oui, il y a des interventions d'urgence de 3 mois, ça c'est vraiment le minimum. C'est souvent pour les contextes très difficiles, parce qu'on est souvent tout proche de la ligne de front, on entend souvent des bombardements, on entend souvent des tirs. Et alors ça, c'est fou, mais la réaction du corps humain, c'est qu'on arrive au final à s'adapter très très bien à ça. Et toi, en tout cas, disons-le aussi. Enfin, je veux dire, c'est ça que j'avais envie de souligner, moi, lors de cette matinée de recrutement. Hein. Donc, ça se passe à Tour et Taxi à Bruxelles. La salle n'était pas immense, mais c'était. Enfin, moi, j'y connais rien. C'est quoi C'était combien de mesures la salle? Je sais pas. Mètre carré, j'en sais rien. Il y avait une centaine de personnes présentes. Voilà, et merde, j'ai de nouveau oublié, on parlait des balles, oui, des balles qui passent et tout ça. Et moi, je crois qu'il faut aussi le souligner, t'as un gars, là, je te connais pas, mais t'as le sourire, t'as la pêche, et tu te confrontes aussi au réel, c'est-à-dire que t'es pas simplement le mec conceptuel qui est là dans son bureau, voilà, comme tu dis, il y a des balles, tu les entends passer, et je crois pas que tout le monde est fait pour ça. Ah oui, non. Ah non, moi je crois pas, j'y crois pas. Non, c'est sûr que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais je veux dire, c'est pas le premier problème. Par contre, le fait qu'on s'adapte assez facilement à ça, ça peut devenir dangereux, et c'est pour ça que parfois on ne peut rester sur place que 3 mois, parce qu'après on s'adapte, et donc on baisse notre garde, et donc ça devient dangereux pour nous, pour les équipes, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux partir pour rester toujours focus et concentré. Mais je crois que tu dis que c'est pas le premier problème, moi je crois que c'est le premier problème, c'est-à-dire que si tu flippes, si t'es pas à l'aise, si t'as toujours peur de mourir parce qu'une balle va te toucher par exemple, tu vois, si tu deviens obsessionnel, tu te rends bien compte qu'en fait c'est pas fait pour toi ce métier, quoi. Je veux dire, et hop, tu comprends. Comment on fait ce recrutement en fait pour voir, tu sais, à la limite la personne dans le bureau ici à Bruxelles correspond tout à fait à vraiment la pêche, donne l'impression que. Est-ce que ça est déjà arrivé souvent? Et puis sur le concret, dans le réel, en fait, on se rend compte que ça va pas du tout. Il pète un câble ou autre. Ouais. Donc il faut d'abord que, ouais, quand je dis qu'on entend les balles et les bombardements, à 2 km, il faut pas qu'on ait l'image du petit gars avec son drapeau blanc qui va au milieu avec les balles qui sifflent dans tous les sens. On n'est pas du tout là-dedans. Au niveau de la sécurité, on s'entoure de professionnels, on a des analyses de risques, on a des analyses de contexte très poussées, on a des mesures de sécurité très strictes. Donc on est en tout cas... Si on est exposé, mais en tout cas on sait ce qu'on fait avec l'expérience qu'on a. On ne prend pas des risques. Comment est-ce qu'on dit ? Inutiles, quoi. Des risques inutiles. On ne se met pas en danger pour rien. Donc ça c'est sûr. Maintenant c'est vrai que n'importe qui ne peut pas le faire, mais je pense que dans le chemin de recrutement on explique bien ça à tout le monde. Évidemment, c'est pas quelque chose que on peut expliquer ou former. On peut faire des formations, mais ça ne va pas nous protéger de tout. Mais je pense que les gens qui partent pour MSF, en tout cas, sont conscients de ce risque-là. Et alors, on laisse toujours la place sur le terrain. Si on ne se sent pas bien, on peut rentrer chez soi. Et ça ne posera pas problème pour les missions futures. Donc, il y a toujours cet espace de dire, OK, si on en a trop, il vaut mieux partir que de risquer de poser problème. Si on en a trop, quoi, de trop quoi, en fait ? Mais alors, trop de stress, si on ne se sent pas en sécurité, on peut toujours partir. Ah oui, c'est la base, non ? C'est très énorme de... Mais c'est toujours important de le répéter. Et alors, d'après mes petites statistiques personnelles, c'est beaucoup plus dur de travailler en fait, ensemble. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de problèmes et de causes de retour prématurés dues à la communication et des problèmes entre personnes de l'équipe, plutôt que des problèmes liés à la sécurité. Donc ça, c'est souvent un mythe qu'il y a, et ouais, ça, il faut le casser, ouais, c'est fou. Mais ça fait combien d'années, toi, que maintenant, t'es dans MSF ? Ça fait un peu plus de 4 ans. 4 ans, ouais. C'est facile de recruter les gens, ou bien c'est quand même compliqué au bout du bout ? C'est facile parce qu'en fait, ça attire plein de monde, surtout de nos jours, tu vois, on a envie d'être humanitaire, comme ça. Mais au fond, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Oui, on cherche effectivement beaucoup de personnes. Alors évidemment, beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes, pédiatres, chirurgiens, anesthésistes. Gyné aussi, gynéco, j'ai vu. Ouais, gynéco, ça, à fond. Mais alors, on cherche aussi tout ce qui est dans le paramédical, pharmacien, psychologue, et alors technique. Plus technique, logistique, tout ce qui est gestion de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est profil de ressources humaines, gestion du personnel, tout ce qui est gestion financière, des budgets. Donc on cherche vraiment, on recrute large. Maintenant, c'est vrai qu'on demande toujours des personnes qui ont au moins 2 ans d'expérience professionnelle, parce qu'on va se retrouver dans des contextes très difficiles, donc on ne veut pas avoir des gens sans expérience. On cherche des gens qui savent parler au moins 2 langues, le français, l'anglais, l'arabe, c'est toujours un plus. L'espagnol, qu'est-ce qu'on voyait C'est facile le recrutement. C'est-à-dire qu'au bout du bout, il y a un grand panel, je le répète, hein, il y a plein de gens qui sont partants, et au fond, c'est pas si facile que ça de recruter pour MSF. Non, c'est clair. Donc on cherche toujours le profil parfait, fatalement c'est très difficile, et sur le terrain c'est assez handicapant parce qu'on se retrouve souvent confronté à des situations où il manque certains postes. Ce qu'on recherche vraiment énormément, c'est des gens qui restent sur le terrain longtemps et qui restent travailler pour MSF pendant quelques années, plus si affinité. Pourquoi ça ? Parce que, moi c'est ce que je dis toujours, il me faut toujours minimum 3 mois pour un peu comprendre là où on tombe, le contexte, apprendre à connaître les gens avec qui tu travailles, ça prend du temps. Donc, si on a une mission de, je sais pas moi, de 4-5 mois, ben on comprend pendant 3 mois. Après, on implémente des nouvelles solutions pendant 1 mois, on a les nouvelles idées. Et puis après, le temps de les mettre en place, ben on doit déjà partir. Et alors, c'est une question de respect avec le staff national. On travaille énormément avec du staff national sur place. Un projet, c'est en général 300-400 personnes. Et dans ces 300-400 personnes, il y a 10 à 15 expatriés. Le reste, c'est du staff national, donc c'est une question de respect pour eux aussi. Moi, j'aurais pas envie de changer de manager tous les 3 mois, s'habituer à cette personne. Donc voilà, moi, je prône en général les missions plus long terme. MSF. Et toi, alors, dans ton concrètement, dans ton travail, ça donne quoi ? Tu te sens utile ? Parce qu'on parlait au début du sens du travail. Est-ce que ça a du sens d'aller comme ça enfin, assez loin de... Tu es né où, en fait, toi ? Je viens de Liège. Voilà. Bon, c'est quand même pas à côté, le Congo, l'Afghanistan, pas la Birmanie. Burundi. Est-ce que ça a du sens de partir comme ça, loin, gérer les conneries de gouvernement qui se font la guerre entre eux? Ce sont les petites gens, les femmes, les enfants qui sont en première ligne. Est-ce que ça a du sens? Voilà, je lance le truc comme ça. Alors, pour moi, oui, évidemment, ça a du sens. Maintenant, c'est évidemment une question qui soulève beaucoup d'autres questions. Et alors, je vais la tourner à l'envers, parce qu'effectivement, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Est-ce que ce n'est pas les petits utopistes blancs qui veulent aller sauver le monde? C'est une remarque qu'on a souvent. Et donc, à ça, moi, je réponds toujours que utopiste, oui, je pense que je suis un utopiste. J'aime bien les utopies. Je pense qu'une utopie, on commence à y penser, ça devient un rêve, et puis après, on commence à travailler pour réaliser ce rêve, et ça devient une réalité. Utopiste blanc, oui, moi je suis blanc, mais il faut savoir que sur les 30 000 collaborateurs MSF, on a des gens qui viennent de partout. Les expatriés, c'est pas seulement des Européens, ce sont des Burundais, des Afghans, des Pakistanais, des Brésiliens, donc il y a vraiment de tout. Et alors là, c'est une direction qu'MSF est en train de prendre aussi, c'est qu'on veut casser cette image d'organisation européenne, parce qu'on est né en France, c'est vrai, mais maintenant, on aimerait bien se diriger vers un truc beaucoup plus international, pour justement que les conflits... pour respecter, en fait, notre principe de neutralité et d'impartialité. Si on est européen, on est catégorisé comme tel, et parfois, ça nous empêche de travailler dans certains pays. Donc, il faut vraiment qu'on casse ça. MSF est en train de se réinventer à ce niveau-là. On est en train de vouloir délocaliser des centres de décision un peu partout dans le monde. Je pense notamment au Liban, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud. Donc, voilà, ça, c'est une raison pour laquelle j'aime bien travailler avec MSF. Donc, est-ce que ce métier a du sens? Oui, pour moi, ça a énormément de sens. En tant qu'expatrié, j'ai pour moi deux missions. La première, c'est que je suis le garant de la neutralité. Et la deuxième, c'est que pour les donateurs, je suis aussi quelqu'un qui va aller effectivement voir que les fonds sont bien dépensés sur le terrain et que ce n'est pas dans les poches de politiques ou de personnes assises derrière des bureaux ici à Bruxelles. Donc voilà, je me donne ces deux raisons d'être là. Après, c'est vrai que ça pose énormément de questions. Est-ce que effectivement on peut aller sauver le monde? Non, on ne sauvera pas le monde. Je pense que la première chose, en tout cas, qu'on change quand on part en mission comme ça, c'est d'abord soi-même. Tous nos préjugés, tout est cassé en mille morceaux. Et donc voilà, après, on essaie de comprendre la situation et puis revenir ici sur place. Expliquer aux gens ce qu'on a vu. Donc oui, ça c'est un peu la mission que j'ai. Ouais. Moi je parlais pas de sauver le monde, hein. Je crois pas que j'ai dit sauver le monde, mais quel sens ça a comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de colère en regardant l'état du monde? Je le répète, non, tu vois, il y a les grands qui décident de faire la guerre dans leur bureau, et puis ce sont les femmes, les enfants, les hommes qui en prennent, qui sont en première ligne, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de révoltant aussi là-dedans? Et toi, tu as peut-être décidé... Enfin, est-ce que tu n'es pas un peu fâché? Mais tu n'as pas l'air. C'est moi qui le dis, ça. Si, évidemment, je suis en colère. Évidemment, je suis très, très fâché, révolté sur tout ce qui se passe. Maintenant, je pense que... Il y a un moment où rester râler dans son coin, ça ne sert à rien non plus. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien le concret. C'est pour ça que travailler pour MSF me correspond bien. Je pense qu'il faut que ces mêmes gens qui sont révoltés, qui vont dans la rue à Bruxelles, à New York, il y a des politiciens qui sont... ils sont pas tous achetés non plus. Il y a des politiciens qui sont bons, révoltés, qui continuent leur combat. Je pense qu'il faut... Comme qui, là, je te prends au mot, hein, fais gaffe. Hein. À qui tu penses? Un politicien révolté, alors dis-moi. Oui, mais alors là c'est lâche le coin. Je peux y répondre, mais donc c'est vraiment au niveau personnel, je n'engage pas du tout MSF dans ce champ-là. Mais voilà, moi j'ai Philippe Lambert, qui est député européen écolo, coprésident écolo. Et pour moi, c'est un gars auquel je crois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs débats, à plusieurs conférences, à plusieurs manifestations. C'est encore un gars en qui j'ai confiance. C'est ça, la confiance, c'est quelque chose qui est pour moi crucial. J'ai perdu beaucoup de confiance au monde politique. C'est un des gars, en tout cas, en qui j'ai encore confiance. Mais pour revenir, tu disais, moi je te posais la question, mais t'es pas révolté, et puis tu dis, oui, mais on peut être fâché et râler dans son coin, mais on peut être fâché et agir, hein. Je veux dire, tu vois, le sentiment, il peut être... quand tu commences vraiment à analyser, décortiquer le sens que ça a, tu vois, les situations géopolitiques, c'est quand même ça qu'il s'agit, hein. C'est-à-dire que toi, petit humain, tu vas... sur le terrain, dans le concret, ça c'est très intéressant on va dire, mais si tu te renseignes bien sur l'état du monde, comment fonctionne tout ça, tu te dis mais quelle vaste blague tout ça, quelle horreur en même temps. Je veux dire, il y a un mec qui travaillait sur l'Aquarius là, qui nous expliquait l'horreur que c'est. Enfin, les gens, surtout ceux qui décident des règles et des lois, ils imaginent même pas ce que c'est de se retrouver à 600 dans un bateau avec à gérer les toilettes, enfin c'est quand même hallucinant. Il y a de quoi être en colère et fâché sur comment ça se passe. C'était ça un petit peu l'idée, voilà. Ah oui, donc je le répète, je suis vraiment personnellement très très en colère. Maintenant, voilà, je pense que la réponse qu'on doit apporter à... On sait bien, je pense que tout le monde sait maintenant que le système est malade, qu'on est arrivé à la fin du système tel qu'on le connaît, qu'il faut le changer, et on est devant une urgence qui en plus est climatique maintenant, donc c'est hyper important de travailler à ce nouveau monde... maintenant, voilà, la colère, est-ce que le sentiment de colère est bon? Il faut savoir le canaliser, quoi. Donc, je sais pas, moi, aller poser une bombe sur le gouvernement, je pense pas que c'est une réponse... Pourquoi pas, ça pourrait... tu vois, moi, c'est efficace, c'est très dans le concret aussi. Tu vois, j'avais une question, parce que, tu vois, MSF dit qu'il est une organisation médicale qui porte assistance aux victimes de conflits armés. Là, on parle bien de guerre, hein. D'épidémies, donc de maladies qui infectieuses, tu rigoles, de pandémies, c'est quoi la différence entre une épidémie et pandémie? Alors une pandémie, c'est une épidémie qui s'étale sur plusieurs pays, parfois sur plusieurs continents. Alors, les plus connues sont, en tout cas une des plus médiatiques, c'est Ebola. On a eu des grosses épidémies d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest, maintenant on en a une, celle-là est... assez difficile parce que celle qu'on a eue en 2014 en Afrique de l'Ouest, c'était dans un territoire qui était en paix. Maintenant, on a une épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu, qui est une région qui est déjà saccagée par des conflits. C'est une région très riche en minerais de l'Est du Congo. Et donc, en plus de tous les conflits armés, on a une épidémie d'Ebola. Donc, très très compliqué à gérer. Mais voilà, Ebola, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'était considéré comme une pandémie. D'accord. Maintenant, voilà, je suis logisticien, hein, il ne faut pas... C'est vrai. Mais donc, MSF se présente comme ça, quoi. Est une organisation médicale qui porte assistance aux victimes de conflits armés, d'épidémies, de pandémies ou de catastrophes naturelles depuis plus de 40 ans. Comme tu disais au début, que les réfugiés, les migrants qui se retrouvent en Europe, c'est vraiment une infime partie de rien du tout, hein. Bientôt, on va parler aussi de réfugiés climatiques. Et là, ça va être, paraît-il, ça s'annonce plus énorme, quoi. Et donc, MSF va devoir aussi ouvrir un nouveau tiroir. Bon, je pense que, voilà, après, la gestion d'un camp, évidemment, on est toujours dans des systèmes, dans un contexte qui est... Il y a un concept intéressant qui s'appelle le concept VUCA. On évolue de plus en plus dans un contexte qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, comment t'as dit VUCA? VUCA, oui, c'est le terme anglais, mais donc voilà, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc voilà, on est prêt, à partir du moment où on sait qu'on travaille dans ce genre de contexte, on prend nos décisions en fonction, on se prépare, et donc je suppose que même si c'est très difficile de se préparer, avec l'expérience qu'on a, on pourra répondre à ces besoins-là. Oui, mais ça veut dire qu'elle doit ouvrir, elle ouvre un nouveau tiroir, et que c'est une réalité aussi, quoi, enfin voilà... Que dire encore sur tout ça, sur MSF, toi concrètement, oui, t'es technicien, ça consiste en quoi sur le terrain? Tu l'as dit un petit peu au début, je pense, hein, mais quoi, des anecdotes, des choses concrètes, qu'est-ce que t'auras envie de nous faire partager de toi là-bas, si tu te projettes là-bas, comment nous on peut percevoir ton travail là-bas? Moi, je peux vous partager, par exemple, ma première expérience au Congo, parce que là, c'était vraiment tout jeune logisticien. Je débarque dans ce pays que je connaissais au final très peu. Et donc là, je travaillais pour le pool d'urgence Congo. C'est un projet basé à Kinshasa. Le Congo, c'est, je crois que c'est 6 ou 8 fois la taille de la France. Donc c'est immense, les infrastructures sont par terre, il n'y a pas de route. Il y a plein d'épidémies, on a parlé d'Ebola, mais il y a choléra, la rougeole, on sait bien que c'est récurrent, tous les 2 ans on sait bien qu'on a des catastrophes, on a des épidémies de choléra. Et donc c'est un projet qui est conçu pour répondre à toutes ces mini-urgences dans le pays. Donc on a des antennes un peu partout dans les grandes villes qui sont chargées de monitorer la situation sanitaire du pays. Et alors on a une équipe à Kinshasa qui est prête à être déployée un peu partout. Et donc j'ai fait une intervention rougeole, j'ai fait une intervention pour le choléra. Ça veut dire quoi quand on dit j'ai fait une intervention puisque t'es pas médecin, tu fais quoi? Alors voilà, par exemple, on va prendre l'intervention rougeole. Et alors, on a toujours deux réponses. La première réponse, c'est tout ce qui est prévention. Et donc là, on va organiser une campagne de vaccination où on doit vacciner. Ben là, je me rappelle encore des chiffres, c'était 38 000 personnes en moins de 2 semaines. Et donc, il faut amener les vaccins en 2 et 8 degrés dans le fin fond de la brousse au Congo. Pour ça, on utilise pirogue, moto, voiture, camion. C'est toujours un challenge logistique énorme. On doit ensuite prendre en charge tous ceux qui sont malades, qui sont atteints de la rougeole. La rougeole est souvent accompagnée parce qu'il y a beaucoup d'aphtes qui viennent se mettre dans la bouche, donc les enfants ne se nourrissent plus, ils sont déjà en général mal nourris, donc il y a malnutrition qui vient s'ajouter à ça. Souvent on tombe sur des cas de malaria, donc les mecs ils combinent, quoi, ils n'ont pas de chance. Donc on doit souvent mettre en place des infrastructures, rénover des centres de santé, les hôpitaux. Et donc voilà, pour ce genre de projet, on est, une trentaine de logisticiens. Donc le logisticien, la grande famille logistique, ça comprend des radio-opérateurs, des chauffeurs. Des logisticiens d'ici, enfin d'Europe, ou des logisticiens du pays là-bas? Oui, donc là, on travaille souvent avec des logisticiens du pays qu'on a sur place. Comme on est présent là-bas au Congo depuis des années, on a des très bonnes équipes logistiques sur place, on a formé énormément les gens. Et ça, je pense que c'est beaucoup mieux, parce que moi, avec mon petit master ici obtenu dans le fin fond de la Belgique et mes quelques années d'expérience, je ne saurais jamais organiser toute une campagne de vaccination. Donc on compte énormément sur le staff national, et c'est un objectif beaucoup plus durable de former les gens sur place plutôt que de venir avec toutes nos connaissances européennes. On se planterait, j'en suis sûr. Donc ce qui est riche, c'est justement d'amener les deux. Et donc ouais, grâce à ces équipes-là, c'est fantastique. On arrive à faire des choses... incroyable. J'en ai un autre exemple au Burundi où là on travaillait dans un centre de trauma. C'était après les violences post-électorales liées à la réélection du président Nkurunziza. Et donc là il y avait beaucoup de mouvements de manifestations, il y avait des grenades qui étaient jetées dans les marchés, des grenades qui étaient cachées parfois dans les jouets des enfants, et quand les enfants commençaient à jouer avec, bam, ça explosait à la maison. Et donc on avait ce qu'on appelle des MCP, ça veut dire Mass Casualty Plan, c'est des plans d'afflux de blessés massifs. Donc tout d'un coup l'hôpital est submergé par des blessés graves. Et donc là, c'est comment se préparer pour réagir à ça. Et donc, en général, on entend une première explosion, une deuxième explosion, et là, on sait que les blessés vont arriver par dizaines, voire par centaines. Et alors, je me rappelle notamment d'une nuit où on les a eu toutes, c'était la loi des séries. Donc on a ce plan catastrophe qui se déclenche. Fatalement, c'est à ce moment-là que le générateur arrête de tourner, il n'y avait pas d'électricité, donc plus d'électricité dans le bâtiment. Il y a des chirurgiens qui étaient en train d'opérer, première catastrophe. Plus d'eau, donc de nouveau, comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'eau potable pour pouvoir soigner nos patients? Ensuite, il y a un moment où j'entends des cris dans l'hôpital, et donc là, c'était un des assaillants qui s'est réveillé à côté de la personne qu'il avait à côté de sa victime. Et donc la victime s'est réveillée, il a reconnu tout de suite son assaillant. Nous, on ne savait pas. Une fois que les patients arrivent, on leur met toute cette magnifique robe qui nous rend tous ridicules de malades. Et donc voilà, gérer une crise pareille. En même temps, il y a l'armée qui est venue voir ce qu'on faisait dans l'hôpital. Des journalistes qui sont arrivés, donc ça crée des tensions. Qu'est-ce qui s'est passé pour les deux là? Parce que tu expliques le truc, mais après tu nous donnes pas la... Et quoi, ils se sont tapés dessus Alors oui, bon, l'armée est arrivée d'abord, ils étaient assez agressifs, armés jusqu'aux dents, et donc là, on a dû leur expliquer. Évidemment, ça il faut le dire aussi, on est préparé à ce genre d'événement, on sait que ça peut arriver. Donc en général, on a des contacts, avant même de commencer les opérations, on a des contacts avec tous les groupes armés en présence, à un assez haut niveau. Et donc, quand c'est comme ça, la première chose, c'est qu'on essaie de leur expliquer de nouveau tous nos principes, qu'on connaît par cœur, leur dire que oui, l'hôpital exerce en toute légalité, on a le droit de gérer des activités dans un hôpital, on a le droit de traiter les patients, on leur explique qu'il est interdit de rentrer armé dans notre hôpital. Et donc voilà, s'ils ne comprennent pas, s'ils se montrent violents, on va essayer d'appeler le responsable. Si ça ne marche pas, il y a un moment où on doit dire ok, stop, désolé, mais nous, la vie de notre staff, de nos patients est en danger, donc on doit prendre des mesures plus drastiques. Là, de nouveau, c'est un cas qui s'est assez bien terminé, même si ça a créé des situations très, très tendues. Où au final ils ont enlevé leurs armes. Il y a une personne qui a pu rentrer pour voir. En fait, ils cherchaient à prendre leurs collègues. Il y a une personne qui a pu rentrer non armée. Il a été voir son collègue. Il a vu qu'on s'en occupait comme n'importe quel autre patient. Ils ont été rassurés. Ils sont partis. Les journalistes, de nouveau, il a fallu qu'on respecte la vie privée de nos patients, et donc de nouveau on a une personne qui s'est chargée de répondre aux questions des journalistes et qui a pu en même temps respecter la vie privée des patients. Donc voilà, on arrive toujours à s'en sortir, mais parfois c'est tendu quoi. On arrive à la fin. Qu'est-ce que tu verrais d'essentiel à dire que moi je ne t'ai pas posé comme question parce que je ne suis pas sur le terrain? Qu'est-ce que tu verrais d'essentiel à dire aux gens qui nous entendent sur tout ça, sur tout ton travail? En tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que Nicolas, là, il est souriant, il a la pêche, mais il dit quand même que c'est compliqué, non? C'est un peu compliqué parce que c'est super, mais je vois bien, t'as le tempérament aussi. C'est quand même, t'assistes quand même à des choses qui sont pas faciles, non? Parce que tu le racontes avec énormément de légèreté, mais tant mieux, hein. Mais ça, c'est pas facile non plus comme job, non? Oui, non, c'est sûr qu'on voit. Je dis toujours qu'avec MSF. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que tu as affaire à des gens qui sont en souffrance, qui pleurent, qui ont des difficultés que... Oui, bien sûr. Et on voit tout ça, et j'ai pas besoin de répéter. Je pense que tout le monde sait les problèmes qu'on rencontre sur le terrain. On a énormément vu d'images avec des gens avec quatre jambes en moins, des bras en moins, des bras découpés, des enfants avec des gros ventres. Comment tu fais pour sourire encore là? Mais tant mieux, hein, et je critique pas ça, hein, heureusement, parce que ça permet de prendre de la distance. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, hein, mais comment c'est possible ça de... Je parlais de l'adaptation justement tantôt face à des situations comme ça. Je pense qu'il y a une barrière naturelle qui se fait, donc oui, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à ces missions. Après voilà, ici tu me vois, moi ça fait 3 mois que je suis de retour en Belgique après ma dernière mission. Je suis sûr que j'avais pas le même sourire, la même énergie quand je suis rentré de ma dernière mission. Ici voilà, je vais repartir, donc c'est normal, les batteries sont rechargées à fond. Mais c'est sûr qu'il faut prendre du temps pour se retrouver ici en Belgique, retrouver sa famille. C'est toujours très difficile de rentrer. Je pense que c'est même le moment le plus difficile de la mission parce que... Ah oui, pourquoi ? Parce que tu t'attends, t'as besoin de parler fatalement. Donc on a des assistances psychologiques quand on rentre, si on le désire, quand on rentre dans nos pays d'origine. Mais on a besoin de parler de ce qu'on a vu. La famille, les amis sont toujours là pour nous écouter, mais c'est toujours très très compliqué parce que c'est des réalités complètement différentes. Donc il y a toujours un décalage. Au fur et à mesure des missions, on s'y habitue. Et donc voilà, mais c'est toujours très important de bien reprendre le temps, de se reconnecter avec ses amis, avec ses racines. Oui, et puis tu fais ça peut-être un temps dans ta vie, et puis à un moment donné, enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas... comme c'est pas un boulot... Moi, j'ai travaillé en fait avec des jeunes filles passées par le juge de la jeunesse. Rien, enfin, c'est pas comparable avec ton job, et pourtant, c'était prenant, quoi, tu vois, c'était pas facile. Donc j'imagine... Vous devez bien encadrer aussi au niveau de votre équipe, là-bas, sur place, hein, parce que sinon, ça doit être compliqué, quoi. Oui, donc c'est clair qu'on est hyper bien supporté. Après, je relativise tout ça, et tu dis que tu travailles avec des enfants qui sont passés par des moments difficiles aussi. Et je suis quasi sûr que c'est aussi difficile. Il y a des boulots dans le social qui sont tout aussi difficiles ici en Belgique que ce qu'on fait nous à l'étranger. Donc ça, j'aime pas trop les gens qui disent « Ah bah ouais, non, vous partez pour MSF, c'est vraiment génial ce que vous faites. » Oui, mais ça paraît génial, mais il y a des tonnes de gens qui font ici un boulot génial en Belgique, tout aussi important. Donc voilà, chapeau à eux. Voilà, il n'y a pas besoin de partir super loin dans des conditions hyper difficiles pour aider les gens et pour changer le monde. Donc chacun peut le faire là où il est. Voilà, je pense qu'il faut... Bon, maintenant, c'est un peu plus de la philosophie, mais je pense que maintenant, on arrive à un temps où il faut commencer à se regarder dans le miroir et se demander ce qu'on peut faire pour changer ce système. Et donc là, je pense que tout le monde doit être acteur de ça. Arrêter de jeter des pierres aux politiques. Voilà, les politiques ont évidemment leur part de responsabilité, mais les premières personnes qui peuvent changer les choses, voilà, c'est nous, et il faut qu'on commence à changer. Les politiques ont du travail à faire aussi. Il faut des solutions communes. Le challenge est tellement énorme et global que tout le monde doit commencer à travailler ensemble. Voilà, c'est un peu cucu, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est pas cucu, je trouve pas que ça c'est cucu, mais quand tu parles, aujourd'hui on est vraiment, je fais vite une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, c'est les gens doivent, comme tu dis là, les gens doivent se rendre compte que c'est un monde où maintenant il faut y aller, quoi. Très bien, mais je veux dire, les gouvernements, ils ont une énorme responsabilité, tu vois, de comment fonctionnent les choses, enfin, tu vois, et du coup... Les gens, tu vois, limite, ils se bagarraient entre eux pour dire « Oui, mais toi, tu fais pas assez. Toi, tu manges de la merde. Toi, t'achètes du plastique. » Tu vois, il y a une espèce de politique comme ça qui fait que les gens se bataillent entre eux. Alors qu'au fond, imagine, parce que tu dis « Oui, il n'y a pas que les politiques. » Mais c'est quand même la base de tout, la politique. Hein, c'est comment les règles et les lois se mettent en place pour la masse de gens, quand même, tu vois. Donc, ils ont une énorme responsabilité. Ou alors, on dit quoi, qu'ils n'existent pas. Enfin, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y a besoin de gouvernement pour fonctionner, tu vois. On peut très bien se prendre en main, créer, évidemment, à petite échelle des rapports de décision, quoi. Enfin, ça demande du temps, des discussions. Enfin, tu vois, il n'y aurait pas un pouvoir comme ça... À la verticale, soit, on s'égare, mais c'est pour dire, j'avais juste envie de faire une remarque, on n'arrête pas de dire oui, les gens, mais le politique, lui, ce serait hyper efficace, hein, il trouve demain une nouvelle règle, une nouvelle loi pour dire, bon, exemple, demain, les migrants, c'est plus un problème, le climat, clairement, on arrête de consommer, enfin, tu vois ce que je veux dire, ce serait radical comme manière de voir, en touchant au gouvernement et aux politiques. Oui, mais après... Moi, je pense que voilà, les politiques qu'on a, c'est un peu celles qu'on mérite au final. Et donc, je pense que si on veut changer les choses, il faut de fait retravailler tout le système politique et revoir toute la démocratie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, parce que c'est clair qu'on est, on est loin du monde idéal qu'on nous fait croire. Donc, oui, la démocratie est pour moi malade ici, en tout cas en Europe. Donc, de fait, il faut travailler là-dessus. Mais je pense qu'on a les politiques que notre société mérite pour le moment. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais décidé d'avoir des gens. Déjà, même ceux qui se présentent, j'ai même pas décidé pour eux, tu vois. Donc, enfin, soit. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, mais ouais, donc c'est un peu long pour 2 minutes. Mais voilà, donc et c'est pour ça que j'encourage. Il y a énormément d'initiatives citoyennes. Donc ça, il faut foncer. Il faut faire entendre sa voix. Il faut absolument. Voilà, oui. Se mobiliser, donc, et il y a plein de combats à mener, je pense que tout le monde peut les mener. Ce que j'ai peur, en fait, on va prendre la question dans l'autre sens, c'est en disant, ben voilà, c'est la faute des politiques, ben alors on reste chez soi, on ne fait rien, et donc voilà, moi j'encourage chacun à prendre action. Oui, je comprends, il y a des gens qui disent c'est la faute aux politiques, mais ok, d'accord, et moi dans mon monde, tu vois, les gens, oui, alors c'est un équilibre entre les deux, quoi. Exactement, oui. Voilà. J'imagine que t'es vu, toi, comme un héros, quoi. T'es un peu dans ton entourage, tu vois, t'es le mec, là, qui va sur le terrain, c'est difficile, machin. T'es vu comment ? Ça aussi, ça fait du bien. Comment est-ce que tu vis ça ? Comment est-ce que tu expliques ça ? Oui, c'est clair que les gens, c'est un boulot à part. Donc les gens sont toujours très intrigués, ils posent toujours pas mal de questions. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on... Ouais, ça, c'est, je veux dire, c'est la principale... La grosse partie des gens ne comprennent pas pourquoi on va là-bas, pourquoi est-ce qu'on fait ce boulot-là alors qu'on n'est pas si mal ici en Belgique et qu'on pourrait gagner un peu d'argent, être tranquille, à boire des verres en terrasse. Maintenant... C'est dangereux les verres en terrasse aujourd'hui, hein. Je sais pas si tu sais. C'est vrai. Ce côté-ci de... Du monde. T'es au courant quand même, non? Je rigole. C'est très dangereux, non? J'aime bien boire beaucoup de verres en terrasse quand je rentre, donc ça va. Mais donc oui, oui. Non, moi je me considérais pas comme un héros. De nouveau, ouais, j'avais envie de faire un boulot qui avait du sens. Voilà, je l'ai trouvé maintenant. Je pense qu'il y a une vie aussi après MSF. Il y a de nouveau plein de combats à mener. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que s'ils veulent s'engager, bah, qu'ils foncent. Donc MSF est une des solutions. Il y a plein d'autres organisations locales, internationales, qui agissent dans plein de domaines. Donc il faut pas hésiter à faire le pas, quoi. J'entends beaucoup des gens qui me disent « Ah, mais c'est quand même génial ce que tu fais, j'aurais bien voulu faire pareil. » Qu'est-ce que tu attends? N'aie pas peur, il y a moyen de trouver... une action à faire tout près de chez toi ou même à l'étranger, mais il y a moyen. Et alors les enfants, l'argent, ça peut pas être des barrières, ça reste hyper important, hein. Les enfants sont hyper importants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de trouver un boulot qui a du sens quand on a des enfants. Tu as des enfants? Pas encore. Bien, pourquoi pas, hein. Hein, la bonne parole comme ça. Oui, non, c'est pas... On peut se revoir dans 2 ans, j'aurais peut-être une réponse différente, mais en tout cas pas pour le moment, ouais. Merci Nicolas. Mais pas de souci, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, mais j'espère que tu as aussi, toi, trouvé intérêt à parler dans ce micro. C'est aussi un partage, hein, d'expérience. Moi, j'ai pas toujours la bonne question, la bonne réponse. C'est chouette aussi quand l'autre, il se dit, bah, tiens, je vais pouvoir donner aussi une certaine vision du monde que moi, je n'ai pas, puisque je ne travaille pas... C'est clair. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on n'a on a pas de réponse à apporter. Voilà, nous, on travaille à fond pour nos patients, c'est très bien, mais c'est vrai qu'on a, on pourrait passer des heures, et on passe des heures et des heures et des heures à débattre, à parler de ça, à se questionner. Donc, ouais, c'est 45 minutes, c'est court, mais... Quand tu dis qu'on passe des heures, mais quoi, dans quel cadre, comment, de qui tu parles, de quoi tu parles? Notamment avec les collègues, donc on vit souvent avec... ça c'est aussi un truc difficile, c'est qu'on vit avec les collègues, donc 24 heures sur 24 on est avec eux, en général on loue des maisons et on est tous là-dedans, et donc c'est vrai que le soir quand on rentre, on parle du boulot et on est souvent des personnes assez engagées, donc ça débat, ça argumente, et donc toutes les questions ici qui ont semblé être sans réponse, sachez qu'on continue à les débattre, et c'est toujours important de se poser des questions et de réfléchir, ouais. Merci Nicolas. Super, au revoir.